Dans sa déclaration publiée le 27 juin à l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le Forum allemand anti-impérialiste a dénoncé les crimes des impérialistes américains qui ont réduit en cendres le territoire coréen à travers les bombardements et les canonnades et qui ont massacré les habitants innocents pendant la dernière guerre de Corée. Par ailleurs, le même jour, le Forum a lancé une déclaration pour dénoncer la tentative américaine de supprimer la République populaire démocratique de Corée et témoigner du soutien à la cause juste de notre République.